Une semaine encore, et je pars. Partirai-je vraiment? Il y a des heures, il y a des jours, où j'en doute, des jours, surtout, de printemps précoce, où mon ami m'emmène hors de Paris, dans ces parcs battus, sillonnés d'automobiles et de bicyclettes, mais que l'aigre et fraîche saison fait mystérieux quand même. Un brouillard mauve, à la fin de l'après-midi, approfondit les avenues et la trouvaille inespérée d'une jacinthe sauvage qui balance au vent trois cloches effilées d'un bleu naïf, y prend le prix d'un larcin. La semaine passée, nous avons marché longtemps sous un soleil matinal dans le bois où galopent les palefreniers. Nous étions l'un contre l'autre, actifs, contents, peu bavards, et je chantonnais une petite chanson qui fait marcher vite. Au détour d'une allée cavalière, déserte, nous nous arrêtâmes, nez à museau devant une biche, toute jeune, dorée, qui perdit contenance à notre vue et s'arrêta au lieu de s'enfuir. Elle haletait d'émotion, et ses genoux fins tremblaient, mais ses longs yeux, allongés encore d'un trait brun, comme les miens, exprimaient plus d'embarras que de peur. J'aurais voulu toucher ses oreilles, orientées vers nous, pelucheuses comme les feuilles des bouillons blancs, et ce doux museau de velours cotonneux. Quand j'étendis la main, elle tourna le front d'un mouvement sauvage et disparut. « Vous ne l'auriez pas tué à la chasse, Max ? » demandai-je. « Tu es une biche, pourquoi pas une femme ? » répondit-il simplement. Ce jour-là, nous avons déjeuné à Ville-d'Avray, comme tout le monde, dans ce restaurant qui suspend au bord de l'eau de singulières terrasses, des terrasses à manger et à coucher, et nous fûmes sages comme des amants déjà rassasiés. J'aimais à constater, chez Max, la même sérénité passionnée dont m'imprègne l'air libre, le vent pur, les arbres. Accoudé, je regardais l'eau plate de l'étang, trouble, oxydée par place, et les noisetiers aux chenilles pendantes. Puis mes yeux revenaient au bon compagnon de ma vie, avec le solide espoir d'édifier, pour lui, un bonheur aussi long que cette vie même. Partirais-je vraiment ? Il y a des heures où je m'occupe, comme en rêve, de mon départ. Le sac de toilette, la couverture roulée, le manteau imperméable, exhumé des armoires, ont reparu au jour, avachis, couturés, et comme excédés de voyage. J'ai vidé avec dégoût des boîtes de blanc gras rance, de vaseline jaunie qui pue le pétrole. Ces outils de mon métier, je les manie sans amour à présent. Et Brague, venu aux nouvelles, a été reçu si distraitement, si cavalièrement, qu'il est parti très pincé, et ce qui est plus grave, sur un « au revoir, cher ami » du meilleur ton. Oh, j'ai bien le temps de le voir et de le dérider en 40 jours. Je l'attends tout à l'heure pour les dernières instructions. Max viendra un peu plus tard. « Bonjour, cher ami. » Je m'y attendais. Mon camarade est encore froissé. Non, écoute, Brague, en voilà assez. Ça ne te va pas du tout, le genre noble faubourg. On est là pour causer sérieusement. Tu me fais penser à Dranet, mon roi soleil, quand tu m'appelles « cher ami ». Brague, vite égayé, se cabre. Le genre faubourg, pourquoi donc pas? Je dégote Castellane quand je veux. Tu ne m'as jamais vu en habit? Non, moi non plus. Dis donc, il est sombre, ton petit boudoir. Si on allait dans ta chambre, on causerait plus clair. Allons dans ma chambre. Brague avise tout de suite sur la cheminée une photographie de Max. Max, en veston neuf, raide, le noir des cheveux trop noir, le blanc des yeux trop blanc, officiel et un peu risible, mais très beau tout de même. Brague examine le portrait en roulant sa cigarette. C'est ton ami, décidément, le type, hein? C'est mon ami, oui. Et je souris gentiment. Avec un air idiot. Il est chic, y a pas. On jurerait quelqu'un du gouvernement. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. C'est cette idée qu'il pourrait être du gouvernement. Ça ne lui ressemble guère. Brague flambe sa cigarette et m'observe, l'œil en coin. Tu l'emmènes? Je hausse les épaules. Non, voyons, c'est pas possible. Comment veux-tu? Mais je ne veux pas, justement, s'écrie Brague rasséréné. Ça, c'est bien, ma gosse, tu sais. C'est que j'en ai vu, moi, des tournées foutues parce que madame ne veut pas quitter monsieur ou que monsieur veut surveiller madame. C'est des disputes, c'est des bécotages, c'est des brouilles, c'est des réconciliations, on ne peut plus se tirer du pieu. C'est les jambes ramollies en scène et les yeux au beurre noir, c'est la vie gâtée, quoi. Parlez-moi d'un joli voyage où on est entre copains. Tu me connais, j'ai jamais varié là-dessus. L'amour et le métier, ça va pas ensemble. Puis enfin, 40 jours, c'est pas l'éternité. On s'écrit et après on se retrouve, on se recolle. Il a son bureau, ton ami ? Son bureau ? Non. Il n'a pas de bureau. Il a sa fabrique d'auto, enfin, il bricole ? Non. Il fait rien ? Rien. Braque fait entendre un sifflement qui peut s'interpréter d'au moins deux manières. Rien de rien ? Rien. C'est-à-dire, il a des forêts. C'est épatant. Qu'est-ce qui t'épate ? Qu'on puisse vivre comme ça. Pas de bureau, pas de fabrique, pas de répétition, pas d'écurie de course. Ça ne te paraît pas drôle à toi ? Je le regarde en dessous d'un air un peu gêné et un peu complice. Si. Je ne puis répondre autre chose. L'oisiveté de mon ami, cette flânerie de lycéen en vacances perpétuelles, est un sujet fréquent d'effarement pour moi, presque de scandale. « Moi, je crèverai, » déclare Braque après un silence. « Question d'habitude. » « Sans doute. »« Maintenant, » dit Braque en s'asseyant, « parlons peu et parlons bien. T'as tout ce qu'il te faut ?»« Naturellement, voyons. Mon costume de dryade, le neuf, un rêve. » Vert, comme une petite sauterelle, et il ne pèse pas 500 grammes. L'autre est retapé, rebrodé, nettoyé, tu le jurerais neuf. Il peut faire 60 représentations sans faiblir. Braque fronce la bouche. T'es sûr ? T'aurais pu te fendre d'une pelure neuve pour l'emprise. C'est ça, et tu me l'aurais payé, hein ? Et ta culotte de l'emprise, en peau de daim brodée qui a pris la couleur de toutes les planches qui l'ont cirée, est-ce que je te la reproche, moi ? Mon camarade lève une main dogmatique. « Pardon, pardon, ne confondons pas. Ma culotte est magnifique, elle a pris de la patine, du fondu, elle a l'air d'un grès artistique. Ce serait un crime que de la remplacer. »« Tu n'es qu'un grigou, » lui dis-je en haussant les épaules. « Et toi, une râleuse. » « Ah, ça fait du bien de s'attraper un peu. Ça repose. » Nous sommes l'un et l'autre juste assez piqués pour que la dispute ressemble à une chaude répétition. « Rompez !» crie Braque. La question costume est vidée. Passons à la question bagage. « Comme si j'avais besoin de toi pour ça. C'est la première fois que nous partons ensemble, peut-être ? Tu vas m'apprendre à plier mes chemises ?» Braque laisse tomber sur moi, entre ses paupières plissées par les grimaces professionnelles, un regard écrasant. Pauvre créature, manchotte et bancale cervelle, cause, cause, fais du bruit, réveille-toi, hanneton. Si je vais t'apprendre, probable que je vais t'apprendre. Écoute, et tâche de saisir, les excédents de bagages sont à nos frais, pas ? Chut ! Je l'arrête d'un signe, ému d'avoir entendu dans l'antichambre deux discrets coups de timbre. C'est lui, et Braque, qui est encore là. Après tout, ils se connaissent. « Entrez, Max. Entrez. C'est Braque. Nous parlons tournée. Ça ne vous ennuie pas ?»« Non, ça ne m'ennuie pas. Mais moi, ça me gêne un peu. Mes affaires de music hall sont de pauvres choses, précises, commerciales, auxquelles je ne voudrais pas mêler mon ami, mon paresseux ami chéri. » Braque, très gentil quand il veut, sourit à Max. « Vous permettez, monsieur ? C'est la cuisine du métier que nous mijotons là. » Et je me vante d'être un cuisinier économe qui ne laisse rien perdre et ne fait pas danser l'anse. « Mais je vous en prie, » se récrie Max. « Au contraire, ça m'amusera. Moi qui n'y connais rien, je m'instruirai. » Le menteur. Pour un homme que ça amuse, il a l'air bien méchant et bien triste. « Je reprends, » commence Braque. « La dernière tournée, celle de septembre, on a mangé, si tu te souviens, jusqu'à des 10 et 11 francs d'excédent de bagages par jour, comme si on était Carnegie. »« Pas tout le temps, Braque. »« Pas tout le temps. Il y a eu des jours à 3 francs, à 4 francs d'excédent, c'est déjà trop. Pour ma part, j'en ai assez. Qu'est-ce que tu as comme bagage, en dehors de la valise à main ?»« Ma malle noire. La grande ? C'est du délire ? Je n'en veux pas. » Max tousse. « Voilà ce que tu vas faire. » Tu te serviras de la mienne. Dans le dessus, costume de scène. Deuxième compartiment, notre linge, tes chemises, tes culottes, tes bas, mes chemises, mes caleçons, etc. Max s'agite. Et au fond, chaussures, complet de rechange portoisé pour moi, bibelot, etc. Tu comprends? Oui, c'est pas bête. Pourtant, dit Max, de cette façon, poursuit Bragg, nous avons un seul gros colis, le troglodyte y s'arrangera, sa mère, qui est plumeuse, lui prêtera un panier, un, en tout et pour tout. Suppression de l'excédent, réduction des pourboires aux facteurs d'égard, aux garçons de théâtre, etc. Si nous n'y gagnons pas 100 sous par jour chacun, je veux bien me faire ténor. Tu changes de linge tous les combien en tournée? Je rougis à cause de Max. Tous les 2 jours, ça te regarde. Comme on se blanchit dans les grands patelins, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, je compte 12 chemises et 12 petits grimpants. Le reste à proportion. Je suis grand et généreux. Enfin, je me fie à toi pour être raisonnable. Sois tranquille. Bragg se lève, serre la main de Max. Vous voyez que c'est vite bâclé, monsieur. Toi, rendez-vous à la gare, à 7h15, mardi matin. Je l'accompagne jusqu'à l'antichambre, et quand je reviens, une tempête de protestations, de lamentations et de reproches m'accueille. René, c'est monstrueux. Ce n'est pas possible. Vous avez perdu la tête. Vos chemises à vous, et vos petits pantalons trop courts, mon amour chéri, pêle-mêle avec les caleçons de cet individu, et vos bas avec ses chaussettes, peut-être, et tout ça pour économiser 100 sous par jour. Quelle dérision et quelle misère! Comment quelle misère? Ça fait 200 francs. Eh, je sais bien, une telle mesquinerie. Je retiens une réplique qui le blesserait. Où aurait-il appris, l'enfant gâté, que l'argent qu'on gagne est une chose respectable, sérieuse, qu'on manie avec sollicitude et dont on parle gravement? Il s'essuie le front avec un beau mouchoir de soie, violet. Depuis quelque temps, mon ami témoigne d'un extrême souci d'élégance. Il a des chemises magnifiques, des mouchoirs assortis à ses cravates, des chaussures à guêtres de daim. Je n'ai pas manqué de m'en apercevoir, car le moindre détail de toilette prend, sur ce cher grand serin à l'encolure un peu lourde, une importance presque choquante. « Pourquoi consens-tu à cela ? » demande-t-il avec reproche. « C'est odieux, cette promiscuité !»« Promiscuité, j'attendais le mot. Il s'emploie beaucoup, la promiscuité des coulisses. Dites-moi, chérie. » J'effile entre 2 doigts les pointes de ses soyeuses moustaches d'un noir roussi. S'il s'agissait de vos chemises et de vos caleçons, ça ne serait pas de la promiscuité? Songez donc, je ne suis qu'une petite cafconce très raisonnable qui vit de son métier. Il m'étreint tout à coup et m'écrase un peu, exprès. Le diable l'emporte, ton métier. Oh, quand je t'aurai tout à fait à moi, va, je t'en collerai des wagons de luxe et des fleurs plein le filet et des robes et tout ce que je trouverai de beau et tout ce que j'inventerai. Sa belle voix sombre ennoblit la banale promesse. J'y entends vibrer, sous les mots quelconques, le désir de mettre à mes pieds tout l'univers. Des robes? C'est vrai, il doit trouver sévère et bien monotone ma chrysalide neutre de costume tailleur, gris, brun, bleu sombre, que j'échange, la rampe allumée, contre les gaz peintes, les paillons lumineux, les jupes irisées, tournoyantes. Des wagons de luxe, pourquoi faire? Ils ne vont pas plus loin que les autres. Fossette a glissé entre nous son crâne de bonze qui reluit comme du palissandre. Ma petite compagne flaire le départ. Elle a reconnu la valise au coin écorché et le manteau imperméable. Elle a vu la boîte anglaise émaillée de noir, la cassette à maquillage. Elle sait que je ne l'emmènerai pas. Elle se plie d'avance à une vie, d'ailleurs choyée, de balade avec Blandine sur les fortifs, de soirée chez la concierge, de dîner en ville et de goûter dans les bois. « Je sais que tu reviendras, » disent ses yeux bridés. « Mais quand ?»« Max, elle vous aime bien. Vous vous occuperez d'elle ?»« Allons bon. Rien que de nous pencher ensemble sur cette petite bête inquiète, voilà que nos pleurs débordent. Je refoule les miens, d'un effort qui me fait mal dans la gorge et dans le nez, que les yeux de mon ami sont beaux, agrandis par les deux larmes lumineuses qui mouillent ses cils. Ah, pourquoi le quitter ? J'irai chercher tout à l'heure, murmure-t-il étranglé, un beau petit sac à main que j'ai commandé pour toi, très solide, pour le voyage. C'est vrai, Max ? En peau de truie. Max, voyons, ayez un peu plus de courage que moi. Il se mouche d'une manière révoltée. Pourquoi ça ? Je ne tiens pas à avoir du courage, moi, au contraire. Nous sommes ridicules. Aucun de nous deux n'aurait osé s'attendrir sur soi. Fosset a servi d'excitant à notre émotion. C'est le coup de la petite table de Manon et du manchon de Polyche, vous vous souvenez ? Maxime s'essuie les yeux, longuement, soigneusement, avec la simplicité qu'il apporte à toute chose et qui le sauve du ridicule. C'est bien possible, marronné. D'ailleurs, si vous voulez que je me change en fontaine, vous n'avez qu'à me parler de tout ce qui vous entoure ici, dans ce petit appartement. Tout ce que je ne verrai plus avant votre retour. Ce vieux divan, la bergère où tu t'assieds pour lire, et tes portraits, et le rayon de soleil qui chemine sur le tapis de midi à 2 heures. Il sourit, très ému. Ne me parle pas de la pelle, du foyer, ni des pincettes, où je m'effondre. Il est parti chercher le beau petit sac en peau de truie. Quand nous serons ensemble, m'a-t-il dit câlinement avant de sortir, tu me donneras les meubles de ce petit salon, veux-tu ? Je t'en ferai faire d'autres. J'ai souri, pour ne pas refuser. Ces meubles-là, chez Max, ces épaves du mobilier conjugal, abandonnées par Taillandi en dérisoire compensation des droits d'auteur qu'il me subtilisa jadis, je ne les ai point remplacés, faute d'argent. Quel couplet de la petite table je pourrais chanter sur ce chêne fumé à prétention hollandaise, sur ce vieux divan raviné par des jeux où je n'étais pas conviée, mobilier hanté, où je m'éveillais souvent avec la peur folle que ma liberté ne fût un songe, singulier cadeau de noces à un nouvel amant. Un abri et non un home. C'est tout ce que je laisse derrière moi, les boîtes roulantes de seconde et première classe, et les hôtels de tout ordre, et les sordides loges de music hall de Paris, de la province et de l'étranger, me furent plus familiers, plus tutélaires que ceux-ci, nommés par mon ami un joli coin intime. Combien de fois ai-je fui ce rez-de-chaussée en me fuyant moi-même ? Aujourd'hui que je pars, aimée, amoureuse, je me voudrais encore plus aimée, encore plus aimante, et changée et méconnaissable à mes propres yeux. C'est trop tôt, sans doute, et le temps n'est pas venu encore. Mais du moins, je pars agitée, débordante de regrets et d'espoir, pressée de revenir, tendue vers mon sort nouveau, avec l'élan brillant du serpent qui se délivre de sa peau morte.